La sirène par Horace Van Hoffel. Voici comment Kesbert, le capitaine de la Néréide, me raconta cette histoire. Aux abords de Lescaut, à hauteur des îles de Balchan, il y avait un village nommé Seftingen. Les habitants de Seftingen n'étaient pas des gens comme les autres. Ils n'avaient ni dieu ni maître et vivaient dans leur barque légère en faisant la chasse aux épaves. Du temps de Philippe II, ils chassaient bien autre chose, des galions espagnols qui revenaient des Nouvelles-Indes avec des épices, des ananas, des perroquets et de l'or. Parmi les gars du village, aucun n'était comparable à Peter Wrang. Son portrait existe encore et se trouve au musée de Middelbourg. Peter est beau à regarder. À son armure noire, ses beaux tempos de daim, sa longue rapière et ses yeux de tigre, on reconnaît tout de suite que c'est un gueux de mer. Son brigantin, le pied bleu, était la terreur des hidalgos d'Anvers. Comme l'oiseau dont il portait le nom, il ne sortait que quand soufflait la tempête et l'approvant du nord. Le pied bleu était armé de canons et conduit par une vingtaine de forobrans déterminés. Lorsqu'il rentrait au port, c'était la fête à Seftingen. Le capitaine Wrank et ses hommes jetaient les Carolus et les Ducas par poignées. Parfois, ils se battaient. Mais qu'est-ce que cela ? Il n'y a pas de kermesse flamande sans coup de couteau. Naturellement, toutes les filles de Zélande étaient amoureuses du vaillant capitaine, mais Peter Wrang se moquait d'elles. Or, les pêcheurs de Seftingen rencontraient souvent une sirène qui nageait dans l'Escaut. Elle venait au clair de lune avec son troupeau qu'elle menait paître sur les digues. Au premier feu du jour, elle sonnait du cor et rentrait dans le sein des ondes en poussant ses blancs moutons vers la mer. Les pêcheurs remarquèrent que la sirène portait une ceinture ornée de diamants et d'émeraudes. Ils résolurent de s'en emparer. Ils creusèrent un trou dans le sable et s'y mirent en embuscade. Ils durent attendre pendant plusieurs nuits. Lorsque la sirène arriva enfin, ils se ruèrent sur elle et l'entraînèrent au village. Leur déception fut grande quand ils s'aperçurent que la ceinture n'était qu'un lien de roseaux humides et de joncs entrelacés. Alors ils enfermèrent la sirène dans un baquet d'eau et décidèrent de la montrer pour de l'argent. C'était au cabaret de la Vache-Pie. Le lendemain, tout le village y courut. Et c'était pitié à voir cette pauvre sirène toute tremblante entourée de rustres cruels et railleurs. Les femmes lui tiraient les cheveux, les enfants la pinçaient, les hommes lui soufflaient dans le nez et dans les yeux la fumée de leur pipe. Tout le monde l'insultait. Mais voilà qu'au milieu de ce tumulte, Peter Wrang apparut sur le seuil de la porte. Le pied bleu venait de rentrer, et Peter était encore revêtu de ses armes et tout noir de poudre. Croyant que ces gens maltraitaient un être humain, il se jeta sur eux et les fit sortir à coups de pied et à coups de poing. Dès qu'il se rendit compte qu'il avait délivré une ondine, il se mit à rire. « Ah ah ! » fit-il, « voilà une belle prise. » Cependant, la fille des eaux tendait vers lui ses jolis bras et il soupirait. « Wrang, Wrang, il y a longtemps que je te connais. Je suis Kerline, la fille de Skaldis. Prends-moi pour femme, et tu seras plus riche qu'un roi. »« Ouais, » riposta Peter. « Comment veux-tu que j'épouse une fille qui finit en queue de poisson ? Tu ferais mieux, mamie, d'épouser un dauphin, un phoque barbu ou même un hareng de forte taille. » La sirène ne le laissa pas achever. Elle changea subitement de forme et devint une belle dame vêtue de soie et de velours. Elle portait le casque d'or des frisonnes et des sabots de corail. Wrang courba la tête. L'amour venait de pénétrer dans son cœur. Les noces furent annoncées pour le dimanche suivant. Tout le monde riait sous cap de voir le fier capitaine subjugué par une magicienne de rivière, mais personne n'osa railler à haute voix. Avec Peter, c'eût été se mettre en danger de mort. On dressa les tables du festin sous les tilleuls de la grande place. Toutes débordaient de plats, de brocs, de victuailles. C'étaient des écroulements fabuleux de poissons d'argent, de jambons roses, de faisans dorés, de melons ambrés, de pommes vermeilles et de raisins bleus. Dans le cristal taillé, des flacons flambaient les liqueurs des îles. Le vin du Rhin débordait des coupes irisées de bohème. La bière coulait à flots. Les pâtisseries avaient la forme de galères et de caravelles gréées de sucre et de massepain. Partout circulaient des servantes et des échansons. Des joueurs de cornemuse, des baladins et des jongleurs amusaient les convives. Il y avait des montreurs d'ours et des gitanes habillés à la mauresque qui couraient sur des échasses. mais au milieu du repas, un étrange cortège sortit du fleuve et se dirigea vers l'endroit où se tenaient Pedro Branc et son épouse. C'était le dieu Skaldis et sa cour. Skaldis étonna tout le monde à cause de ses membres épais et de sa barbe blanche qui lui descendait jusqu'aux genoux. Il s'appuyait sur un trident. Autour de lui bondissaient des béliers et des boucs marins. Des ondins et des ondines le suivaient avec des présents, des corbeilles remplies de coquillages, de colliers d'ambre et de perles. Skaldis prit place à la table de son gendre. Il se grisa abominablement. Lorsqu'arriva le moment de se séparer, il était tellement ivre qu'il dut se faire soutenir par deux tritons taillés comme des Hercules de bronze. Mis en gaieté, les filles et les nymphes du fleuve dansaient autour de lui. Skaldis fronça ses épais sourcils, sa barbe se hérissa, et la voix rauque, la langue épaisse, il bredouilla. « Branc, Branc, ton audace est grande. Mais sache qu'une fille des eaux regrette toujours la vase où elle est née. Si tu retiens mon enfant contre son gré, je viendrai la reprendre. » Branc voulut répondre par des injures, mais Kerline lui mit ses doigts sur sa bouche. Skaldis partit, et un grand vent s'éleva aussitôt. Pétor fut heureux pendant un an. Il se plaisait tellement dans les bras de sa blanche sirène qu'il ne quittait plus le rivage. Jamais les Espagnols n'avaient été si tranquilles. La coque du pied bleu pourrissait sur l'estran. À la fin de cette année, Kerline mit au monde une petite fille, blonde et blanche comme elle. Tous les matins, elle menait l'enfant sur le bord du fleuve et là, elle la lavait et lui apprenait à nager. Ce manège déplut à Franck. « Eh quoi » s'écria-t-il. « Si je le perds d'une fille ou d'une chienne de mer ?» Kerline accueillit ces paroles avec indifférence. Franck s'aperçut qu'elle devenait froide comme un poisson. Elle ne l'aimait plus. Il supplia d'abord, il s'humilia, il pleura, puis il se mit en colère. Mais il n'y avait rien à faire. Alors Franck dit à Kerline, « Tu ne sortiras plus et tu ne verras plus les flots verts de l'Escaut. » La même nuit, l'Escaut rompit les digues. « Laisse-moi partir, » fit Kerline le lendemain, à l'aube. Franck secoua la tête. Alors les eaux débordées envahirent Seftingen et montèrent brusquement jusqu'à hauteur des toits et des maisons. La crue fut si rapide que personne n'eut le temps de gagner les barques. Cependant Franck, sa femme et son enfant se tenaient sur leur toit. Kerline dit une nouvelle fois, « Franck, je veux partir. »« Tu ne partiras pas, » gronda-t-il. Alors elle se jeta dans les eaux avec sa fille, et les vit redevenir sirènes à l'instant. Lui-même survécut à la catastrophe, car il se sauva en nageant jusqu'à Middelbourg. On affirme qu'il nagea pendant 2 jours et 2 nuits. Quant au village de Seftingen, il resta englouti sous l'inondation, et c'est pourquoi on appelle encore cet endroit la terre noyée. On raconte aussi que depuis ce temps, les hommes de Zélande ne se disputent plus jamais avec leurs femmes. Boire, conclut Pietcheres, le pilote qui assistait à notre entretien. C'était La Sirène par Horace von Hoffel.